Chapitre 15. Dans une grande chambre nue, plus que simple mais fort propre, sous des rideaux éblouissants de mousseline imprimée, Paul de Chérency semblait dormir. Fâcheux sommeil à en juger par la respiration précipitée, par les mouvements convulsifs qui ne laissaient point de relâche aux membres. Claire, tenant sa fille par la main, s'approcha du lit de fer. La nuit tombait. Ce nid d'aigle, dans les plus longs jours d'été, ne reçoit plus de soleil après 5 heures. Une petite main blanche et douce chercha, dans l'ombre, le front de Paul et s'y posa. Tandis que Marthe, interrogeant sa mère du regard, épiait son moindre signe, comme elle l'eût fait pour le plus habile médecin. À l'attouchement qui rafraîchissait sa peau brûlante, Chérency presque aussitôt s'était calmé. Ses doigts s'agitèrent dans le vide et se refermèrent sous l'autre main de la comtesse, puis, sans ouvrir les yeux, il murmura d'une voix faible comme un souffle « Vous, bonheur, merci !» Alors, lentement, deux larmes se firent jour sous ses lourdes paupières et vinrent se perdre dans sa barbe brune. Marthe, transportée comme à la vue d'un miracle, dit tout bas « Oh, maman, il vous a reconnu, comme nous avons bien fait d'arriver !» « Nous allons rester, n'est-ce pas, maman ?» L'enfant s'arrêta court en voyant que sa mère pleurait, elle aussi. « Comme vous êtes bonne, » reprit-elle, en serrant doucement de son petit bras la taille de Claire. « Il se guérira, je vous le promets. Nous le soignerons si bien. » Madame de Chalonne ne répondit pas. Ce qui l'occupait à cette minute n'était pas de savoir si le malade guérirait. Dans le secret de son corps, elle se posait une autre question. M'a-t-il reconnu? Est-ce à moi qu'il croit parler? Est-ce moi qu'il remercie? Ou Nadia? Une heure après, Claire et sa fille dînaient rapidement à une table séparée dans la longue salle à manger parquetée de sapins ressemblant à un réfectoire. Quand la petite fut couchée et prête à s'endormir dans la chambre attenante à celle de sa mère, la comtesse retourna près du malade, à l'autre bout du corridor immense. Elle y trouva le médecin, qui déclara les symptômes plus rassurants. « Toutefois, dit-il, je ne puis me prononcer encore. Nous n'avons, hélas, que l'embarras du choix entre les inquiétudes. Je constate une menace grave dans l'état cérébral et, d'un autre côté, je crains la fluxion de poitrine. » Durant toute la nuit, la seconde qu'elle passait sans se mettre au lit, Claire soigna le malade avec le dévouement d'une sœur hospitalière. Mais l'ordre des filles de Saint-Vincent-de-Paul serait bientôt décimé si leur cœur battait aussi fort sous la guimpe auprès des malades que celui de Madame de Chalonne battait sous son corsage aux formes élégantes. Elle n'avait pas la résignation qui s'incline, le devoir accompli devant la volonté souveraine. En vain, elle se disait « N'appartient-elle pas à une autre, cette existence que je dispute à la mort ?» Elle sentait son bonheur propre, son intérêt personnel mis en jeu dans la lutte qu'elle soutenait. D'abord, elle en fut effrayée, puis, dans cette solitude austère et silencieuse, aux lueurs incertaines de la veilleuse tremblante, elle vit dans son cœur certaines formes jusque-là confuses, révéler peu à peu leurs contours trop évidents. Bientôt, un jet brillant d'implacable vérité inonda son âme. Il lui devint impossible de ne pas y déchiffrer l'arrêt de son destin. « Hélas, soupira-t-elle. Me voilà condamné à souffrir toujours, car s'il meurt, que devient ma vie, et si sa guérison le rend à une autre ?» Elle se leva, effrayée, car à côté de la douleur, elle entrevoyait déjà quelque chose d'ignoré jusque-là, une lutte redoutable contre elle-même. Comme si l'alternative eût dépendu d'elle, son premier mouvement fut d'établir son choix. « Dieu bon, pria-t-elle, qu'il guérisse seulement, et tout mon sang, toutes mes larmes, couleront avant qu'un être humain soupçonne mon secret. » Aussitôt la crainte s'éloigna d'elle, car ce cœur vaillant se sentait invincible et fort, comme un soldat qui arrive tout frais devant l'embuscade imprévue. Ah oui, une embuscade. Elle marchait depuis quelques jours dans l'ignorance et dans la nuit, et tout à coup, elle s'éveillait loin, bien loin, égarée dans un pays inconnu, où jamais, de son plein gré, elle ne se serait laissée conduire. Ah, si c'était à recommencer! Elle s'arrêta car elle était loyale, même dans le secret de sa pensée. Elle ne regrettait rien, et si, durant le reste de ses jours, elle pouvait se dire qu'elle avait sauvé cette vie, La souffrance, la lutte seraient sa récompense et son bonheur. Quand le soleil parut, elle s'approcha de la fenêtre et crut se réveiller au sortir d'un songe à mille lieues des personnes et des choses qu'elle avait toujours connues. Autant qu'elle pouvait voir, ses yeux ne rencontraient qu'une muraille grise de mille pieds, couronnée de sapins misérables. Déjà dans la cour, la population matinale, des baigneurs, tous espagnols, s'agitait. Des hommes, dont les prunelles seules paraissaient entre le feutre noir et la doublure éclatante de la capa rejetée sur l'épaule, traversaient l'air froid d'un pas rapide. Sur les escaliers de granit, le long des sentiers taillés au flanc du roc, des ombres se mouvaient silencieuses, gagnant les buvettes disséminées dans la montagne. Tout à coup, sur le chemin qui longeait le petit lac aux eaux noires, un grand bruit se fit entendre. C'était la diligence aux formes antiques, arrivant avec fracas, traînée par la longue file des mules attelées deux à deux. Trois hommes, trois fouets, trois gosiers rocs faisaient galoper l'attelage. Le cocher, majestueux sur son siège, prenait des airs importants de capitaine au long cours doublant un cap. Le postillon à cheval, en tête de la colonne, faisait claquer son fouet en posant pour le fin cavalier. La Delatante, suspendue au marchepied, hurlait des menaces de mort à l'adresse des quadrupèdes. Quand il se tut, les dix bêtes s'arrêtèrent aussitôt. Exténuée par les 24 heures de route qu'il venait de faire en quittant Huesca, la station du chemin de fer la plus voisine, les voyageurs péniblement descendirent l'air ahuri. Puis, sous les yeux des carabiniers royaux à l'élégant costume, on déchargea des sacs de dépêches et cette vue fit souvenir la comtesse qu'elle devait écrire une lettre. Ne fallait-il pas prévenir Nadia? Hélas, quelle nouvelle lui donner! Au même instant, le docteur vint faire sa visite matinale. « Pas encore de mieux, » dit-il, « mais aucune aggravation. Cet arrêt dans le danger est peut-être le meilleur des symptômes. Le malade est plus calme, il ne se sent plus seul. Madame, laissez-moi vous dire que monsieur mon ami, » dit simplement Claire, « que monsieur votre ami, si nous le sauvons, ce que j'espère, vous devra la vie. » Entre une infirmière dévouée, mais ne parlant pas un mot de français, et une garde malade comme vous, quelle différence! Nous vous conserverons quelque temps, j'aime à le croire. Non, mais je serai remplacé sous peu avec avantage. Le médecin partit, Claire écrivit sa lettre, se bornant à un récit ponctuel et sans commentaire des événements. Tu comprends pourquoi je suis venue, disait-elle en finissant. Tu en aurais fait autant à ma place. En tablant pour le mieux, si je t'avais télégraphié, tu serais tout au plus à Bordeaux à l'heure qu'il est. Tu n'aurais pu traverser les montagnes ce soir. En venant, j'ai gagné presque 2 jours. D'ailleurs, il était cruel de t'exposer à le trouver mort. Je n'ai pas eu ce courage. Maintenant, tout me dit que tu le trouveras vivant. Dans tous les cas, tu me trouveras moi. Est-ce bien moi qui t'écris de venir, comme une chose toute simple? Je ne me reconnais plus. Mais il ne s'agit pas à cette heure de se poser des cas de conscience. Il faut sauver cet homme. J'ai commencé, tu finiras. Viens donc, voici l'itinéraire. » Là-dessus, Claire, un peu plus calme, put dormir 2 heures. Sa femme de chambre, personne sérieuse et dévouée, la remplaça près du malade. Vers le soir, Paul sortit un instant de sa léthargie. Madame de Chalonne était là. Il lui prit la main, la baisa et murmura encore. « Merci, madame. » « Il m'avait bien reconnu, » pensa Claire. « S'il mourait, il emporterait ce souvenir là-haut. » Le soir, Paul fut déclaré hors de toute menace de la fièvre cérébrale. Restait la pneumonie, toujours imminente, et une fièvre qui réduisait le malade à la plus extrême faiblesse. Dans cet état, un autre jour se passa. Puis l'heure vint où Nadia devait avoir reçu la lettre de sa cousine. À partir de ce moment, Claire ne quitta plus des yeux la porte du bureau télégraphique. À sa profonde surprise, le fil resta muet. Quelle pouvait être la cause de ce silence? La lettre s'était-elle perdue? Madame Fresnel avait-elle pris le train sans songer à expédier une dépêche? En voulait-elle à sa parente d'avoir usurpé sa place? Madame de Chalonne se sentait frémir de douleur et de honte à cette seule pensée, et pourtant, elle ne pouvait regretter d'avoir agi comme elle l'avait fait. Mais pourquoi cet homme dont elle ne voulait, n'attendait, n'espérait rien, troublait-il ainsi le repos de sa vie? Il fallut se résigner et compter les minutes. Heureusement, dans cette ruche encombrée d'hôtes, tous étrangers, personne ne faisait attention à la nouvelle venue. Les femmes étaient rares, la plupart d'une condition modeste. On savait dans l'établissement qu'une dame française était à Panticosa, pour soigner un voyageur, un parent sans doute, en danger de mort. On faisait des vœux pour que le malade guérit, ou du moins pour qu'il eût la force d'aller mourir ailleurs, le lieu manquant déjà de gaieté. Quant aux suppositions romanesques, la présence de la petite Marthe, toujours aux côtés de sa mère, les rendait impossibles. Dans l'atmosphère prodigieusement pure d'une des stations les plus élevées de l'Europe, la santé de l'enfant prospérait à vue d'œil. Il se trouvait même qu'elle pouvait continuer le traitement commencé à Cotteray, certaines sources de Panticosa étant analogues. Bref, rien ne pressait Madame de Chalonne de partir et tout lui disait de rester, tout, même une voix secrète qu'elle était seule à entendre. Le cinquième jour après son arrivée dans les montagnes de l'Aragon, elle reçut à sa grande surprise une lettre de Nadia, une lettre encadrée de noir et datée de Paris. « Je comprends maintenant, lui disait sa cousine, pourquoi tu n'as pas répondu à ma lettre qui t'apprenait un grave événement. Monsieur Fresnel est mort. Le courrier qui te l'annonçait t'a croisé en route, mais si la nouvelle est fraîche, la catastrophe est ancienne. C'est au commencement de janvier dernier, à Chicago, que mon mari est mort, on ne sait pas comment. Peut-être le sait-on, mais on n'a pas jugé à propos de me le dire. Et tu penses bien que je ne le demanderai pas. Quand ton retard survenu dans l'annonce de sa mort, sa famille qui me traite en étrangère ne me l'explique pas davantage. Pauvre homme, il avait changé de nom et sans doute changé souvent de résidence. Comment aurait-il fini? Je lui pardonne tout, mais mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas su en janvier ce que j'apprends 7 mois plus tard? Pourquoi la nouvelle de ma délivrance a-t-elle pris pour m'arriver des détours savants? À quoi me servira-t-elle, désormais, cette liberté? Mon pauvre Paul va mourir, il est mort, ou bien il ne voudra plus de moi, tu verras. Je sens si bien cette fatalité, ce trop tard qui s'attache aux causes perdues. Je suis calme aujourd'hui, le calme de l'anéantissement, mais il y a 6 jours. Brûle sans la lire, ma première lettre, celle qui est à Cotteray. C'est le blasphème d'une païenne contre le sort ennemi. Pour le moment, tout ce que je gagne à mon veuvage, c'est de ne pouvoir aller soigner l'homme à qui je m'étais donné. Irais-tu, toi, au risque d'avoir l'air de réclamer une dette échue, mais trop discutable? Cependant, s'il était certain qu'il est perdu, rien ne m'empêcherait plus de me mettre en route et de venir le voir mourir. Ma démarche n'aurait plus rien d'intéressé, de suspect. Donc, télégraphie-moi et plains-moi. Plains-moi si je ne viens pas, et encore plus si je viens. On dit qu'un deuil n'arrive jamais seul. Ah, tiens, mon cœur ne bat plus. Aussitôt la nouvelle reçue, je suis retourné à Paris. Il le fallait bien, ne fût-ce que pour acheter ma robe noire. Et puis je dois m'occuper de mes affaires. Mes affaires. Ce mot n'est-il pas horrible à prononcer en ce moment? Si tu savais comme je ressens l'ironie de ma destinée. Une seule chose m'occupe et me torture. C'est de songer qu'il pourrait mourir avec l'idée que je suis une créature indigne. Si tu as quelque pitié pour ma misère, délivre-moi de ce suprême chagrin pour le temps qui me reste à vivre, qu'il m'oublie comme un être malfaisant. M'oublier, hélas, le prêtre qui l'assistera exigera qu'il m'oublie, mais du moins qu'il me pardonne et qu'il sache que je ne l'ai pas trahi. Non, je ne l'ai pas trompé, Claire. Jure-le-lui sur l'hostie, et parle-lui de moi comme d'une malheureuse, qui lui doit ses seuls instants de bonheur et qu'il a aimé, oh mon Dieu, comme je l'ai aimé. Et voilà comment nous nous quittons pour toujours. Adieu, je n'en puis plus. » Moins de 5 minutes après que Madame de Chalonne eut achevé de lire cette lettre, avec quel cœur troublé, le télégraphe emportait la réponse. « Il est mieux. Je te préviendrai quand il faudra venir. Compte sur ta sœur et sur Dieu. »